partir sans ça, c'était pas trop mon truc. Hein. Ah oui, c'était quoi, vous? Black metal. Oh, bah déjà, c'est tout un programme. Et bonsoir à tous, vous avez failli passer le bonsoir de votre vie. Et merci Arnaud de ne pas avoir réglé le micro avant. J'ai failli démarrer tout seul. Du coup, le temps qu'Arnaud ouvre ses bières et qu'on puisse discuter tranquillement, on va s'écouter Jack and the Bearded Fisherman, groupe de Besançon, super cool, nouvel album. On est très très content de l'écouter et ça passe le 30 avril à Gérard May à la MCL. On est très très content. Et juste derrière, on va s'écouter Le Réparateur, groupe de punk rock de Lyon qui tourne depuis pas mal d'années. Je les ai fait jouer au Soapbox à l'époque où c'était encore un bâtiment et pas un parking. Voilà, qui passe ce samedi 2 avril au Tio pour le concert au Cacao. Voilà, on s'écoute ça dans la joie et la bonne humeur et le retard. Et à l'instant, c'était Jack, 2022. Ça, c'est encore le réparateur, l'intro, quelle super ligne de basse. Donc, juste à l'instant, c'était Jack, 2022, qui jouera le 30 avril à Gérardmer. N'oubliez surtout pas de venir, ça va être mortel. C'est vrai. Enfin, si vous avez écouté cette émission plusieurs fois, vous savez déjà que ça va être mortel parce qu'on vous l'a dit 40 fois. Si vous découvrez, et ben maintenant, c'est la première. Commencez à cocher les cases parce que c'est pas la dernière. Et juste avant, c'était Le Réparateur qui joue le 2 avril au Tio. C'est ce samedi, voilà, concert au KKO, le retour après la pandémie avec Comptoir KO et Toys Breaker. Dans la joie et la bonne humeur. C'est l'agenda concert avant l'heure. C'est ça. J'aurais peut-être dû mettre ça avant le journal concert. Mais j'ai paniqué, j'étais tout seul. Ouais. J'ai cru qu'il n'y aurait pas assez à manger. Mais je suis arrivé, tout va bien. Et on va pouvoir s'écouter Moser Gush, un petit groupe Doomstoner qui nous viennent d'Ukraine. Donc on va passer pas mal de groupes ukrainiens ce soir. Et en espérant évidemment que tous ces gens vont bien. Voilà. Donc Moser Gush, c'est un des grands noms de la scène stoner ukrainienne qui doit pas être très voilà, qu'on connaît peu. En tout cas, j'ai découvert ce groupe là et on va écouter donc le morceau Vozna Kurenets. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est issu de l'album éponyme Moser Gush qui était sorti en 2008. Voilà, on écoute ça tout de suite. We'll be right back. Et voilà, la vous coupé êtes... leur scène. Ouais, ça va. Peut-être ça, tu sais, ça lie avec l'autre morceau. Ah peut-être. Ouais, c'est peut-être ça alors. Voilà. D'accord. Bref, vous êtes toujours sur Memento Mori, l'émission qui ne coupe pas les Larsen, et on vient d'écouter Mother Gush qui nous vient d'Ukraine. Voilà. Et c'était cool. Alors écoutez, moi je vais imiter quelqu'un connu relativement. Vous allez me dire si vous reconnaissez. Bon, on va s'écouter un peu de black metal. Avec le groupe Lamp of Murmur, qui est vraiment un groupe de black metal, que tu connais déjà. Ah oui. Putain, je suis déçu, je voulais te faire découvrir. Ouais, je fais ce que je peux. Bon, attends, il y a quand même des trucs un peu chelous dedans, ça aurait pu passer à côté. C'est un groupe américain qui passe au Roadburn Festival en land, là, toujours dénicheur de petites raretés comme ça. Il y a des passages post-punk dedans, et du coup, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il est corpse paint à fond, tu vois, super black metal, et des petits passages comme ça. Et paraît-il même qu'il y a un morceau où il y a du surf rock dedans. Je me dis, c'est. Et en plus, c'est pas un nazi. Alors, du coup, ça fait quand même beaucoup d'avantages. Voilà, on va s'écouter ça. Alors, vous verrez quand même, autour des passages post-punk, c'est du black, hein, et ça, il n'y a pas trop de doute. le timing idéal pour manger des radis ou... Tatsiki ? Tatsiki. Voilà, à l'instant, c'était Lamp of Murmur. Voilà. De Black Gaze, apparemment, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais, ou post-black metal. Enfin, on vient... C'est donc, la mode en ce moment. Ça rajoute un petit côté fraîcheur dans le black metal, moi. Ouais, carrément. Qui souvent me saoule un peu. Là, voilà, ça rajoute un truc plus intéressant. Puis ça va bien. C'est, enfin, ça va bien avec le côté ambiance, tu sais, qu'ils essaient de donner dans le black et tout. Donc, voilà. Pas mal. On espère que Jérôme trouve que c'est du métal de qualité. Et oui, et du coup, c'est à moi et j'ai pas du tout prévu. Alors, on va écouter Mortal Vision. Est-ce que tu as ça sur l'IA? Voilà, donc le morceau c'est Mind Manipulation et on est toujours dans le les groupes ukrainiens et Mortal Vision, ils jouent du bon vieux trash black à la Sodom, bien old school, bien métal quoi. Donc voilà, donc c'est aussi pour toi Jérôme. Et après on va enchaîner avec Aubrige. Est-ce que tu as ça aussi dans la liste? Voilà. Aubrige, autre groupe ukrainien, mélange de death hardcore avec des petits passages un peu sludge. Et on va écouter le morceau Tchorna Smert, ça veut dire la mort noire ou la peste noire, voilà. Et c'est issu du split avec Terror Scum, voilà. Donc Mortal Vision tout de suite et ensuite Aubrige. Eh, hey, c'est fini, c'était à toi. Oui, mais j'avais mis un autre groupe que c'était Aubrige. Voilà. C'était Ya vom Schuss. Ah bah ce coup-ci, c'est à nous de parler. Oh, voilà. Donc c'était Aubrige, issu de leur split avec Terrorscom, qui était sorti en 2021. Voilà, donc un petit groupe ukrainien qui en voit bien. Ouais, vraiment cool, ouais. Ouais, carrément. Bonne découverte de ma part, en explorant un peu cette scène qui est méconnue, quoi. Et bah finalement, oui, chez les groupes ukrainiens, bah, oui, qui tournent dans nos coins, il y en a très peu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc c'était une occasion. Et bah du coup, on va se faire un petit moment Alzheimer. Tu vas passer des groupes que tu as déjà passés, c'est ça? Oui. Ah. Et ce qui est vachement bien, quand tu as une très mauvaise mémoire, c'est que quand tu as découvert un groupe, tu avais trouvé ça bien, tu oublies complètement. Ah, et deux ans après, tu es là, waouh, putain, c'est trop bien et tout, tu connais et tout. Ouais, tu en as passé il y a un an, exactement. Ok, le même morceau? Ouais, eh ben, très bien, on va faire ça. Du coup, on va s'écouter Inin, ou Inin, qui est un groupe de France. De Tulle, je crois que ça vient de Tulle, oh, justement, de la ville de François Hollande. Exactement. Mais ils ont l'air plus de gauche que lui, quand même. C'est pas difficile. Il n'y a pas Manuel Valls dans le groupe, ce qui est toujours mieux. Ah, ça fait donner un petit côté brutal, tu vois. Qui... Et pénible. Ouais. Et retournement de veste. Et donc, voilà, ce groupe de post-punk ultra cool, qui est un peu dans la veine de Oi Boys. D'ailleurs, ils ont fait la tournée ensemble il y a quelques semaines. Quand nous, on était allés jouer à Clermont-Ferrand, ils jouaient la veille, du coup. J'aurais préféré jouer la veille. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà, donc du coup, je redécouvre ce groupe parce qu'ils jouaient avec Oi Boys et en fait c'est trop bien. Alors que la dernière fois j'avais passé ça un peu. Peut-être que l'auditeur il a oublié aussi. Bah j'espère. Ça, voilà. En tout cas, sinon tant pis pour lui. C'est cadeau. Et juste après ça, on va s'écouter un groupe avec qui Nightwatcher allait jouer, qui s'appelle Chain Cult. C'est pas Chain Cult que je voulais mettre. Je sais plus. Je retrouverai. Je vous dirai. Et surprise. Voilà. On s'écoute Ina et derrière il y aura un autre groupe et vous verrez bien ce que c'est. Métal de qualité. Don't Et à l'instant, comme prévu, comme on l'a annoncé juste avant, c'était Rottenbind de Uppsala en Suède. Vachement cool, hein? Oui, c'était sympa. C'était, oui. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre, ce genre de punk rock un peu tendu comme ça. Mmh. Et pour ceux qui, au début, quand j'ai dit Rotten, ont cru Rotten. Non, c'est pas Rotten Sound. Ce n'est pas vraiment le même style musical. Et juste avant, c'était Inin ou Inin. Vachement cool. Et peut-être que dans un an, je vous remettrai le morceau en disant putain. Essaye d'en mettre un autre. Non, non, c'est le même. C'est vachement plus drôle. J'ai découvert ça. C'est vachement bien et tout. Eh ben, c'est très bien. Oui, non, cette blague était finie. Oui, oui. Non, mais je t'attendais à les rires, tu vois, mais je les ai pas encore. Je milite toujours pour le sampleur avec les rires enregistrés. Ouais, hein. Mais ça viendra quand tu auras une nouvelle table. C'est ça. Passons à du grindcore avec Grosti, un groupe que j'ai découvert tout récemment, qui nous viennent d'Inde et qui joue. J'entends le soupir. Oui, on entend le soupir jusqu'ici, Lia. C'est très gentil. Oui, oui, c'est sûrement pas du tout à cause du grindcore. Si c'est pas le cas, ça va le devenir parce qu'il joue un grindcore old school très efficace. Et old school death metal. et on reste dans le grindcore, mais retour en Ukraine avec Epicrise, peut-être un des rares groupes ukrainiens que je connaissais avant de faire mes petites recherches. Donc groupe de grind death, allez, le plus célèbre de la scène grind death ukrainienne pour ceux qui suivent la scène. Donc morceau Pierre Dolto. Tiens, j'ai pas marqué la vraie. Je n'ai pas marqué la prononciation de celui-là. Donc, voilà, issu du split avec Neuropathia, les Polonais. Donc voilà. Donc tout de suite, c'est Grosti, Laugh at Their Lives, et ensuite Epicrise. Let's go! Et voilà, à l'instant, c'était Épicrise, morceau Pierre Lolto, issu du split avec Neuropathia, qui était sorti en 2010. Voilà, et juste avant, Grosti, un groupe qui nous vient de Mumbai, en Inde. C'était bien, ça, hein ? Surprenant. Ouais, tu vois ? Petite scène grindcore qui ne cesse de grandir. Ah, c'est que du bonheur, hein. Je pense que l'IA ne pourrait qu'approuver, d'ailleurs. Je le vois à son regard, à son visage, désespéré. Du coup, on va s'écouter Blondie. Et oui, on va s'écouter Blondie. En fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais passé ce morceau, le morceau Dreaming, qui est le générique de la série The Deuce de David Simons, qui est ultra mortel sur le New York des années 50-60, au tout début de la prostitution, du porno et tout ça. C'est incroyablement bien fait, comme toutes les séries de David Simons. L'instant série par Mitch. Hein. Oui, et parce qu'en plus, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre qu'il est en train de préparer la nouvelle série dont le premier épisode sort fin avril. Donc du coup là je suis hypé comme jamais. Voilà. Donc, non mais le traitement social de ces séries c'est vraiment toujours ultra cool et du coup c'est vachement bien. Et c'est d'ailleurs, j'ai appris ça récemment, en fait c'est sur cette série qu'il y a eu ça fait partie des premiers coordinateurs sexuels en fait d'intimité, comme ils appellent ça aux États-Unis, sur les scènes justement de nu, de sexe et tout ça, pour en gros coordonner tout ça pour que tout le monde soit bien à l'aise, qu'il n'y ait pas d'abus et tout ça. Et du coup voilà, c'est vachement cool. Et juste après ça, on va s'écouter Cave In, qui est un groupe qui n'a pas vraiment de rapport avec David Simon, Baltimore et tout ça, mais vachement cool. C'est avec le chanteur de Mutoid Man, il y a le bassiste de Converge maintenant, parce que l'ancien bassiste est mort. Enfin voilà, et c'est enregistré chez Kurt Ballou, le mec de Converge. Enfin, globalement, c'est une grande famille. Hein, voilà. D'ailleurs, on va s'écouter le morceau du nouvel album, le premier extrait du nouvel album qu'ils ont enregistré chez Kurt Ballou. Et le clip est tiré justement, a été tourné dans le studio de chez Kurt Ballou. C'est pour ça qu'il faudra démarrer le morceau à 28 secondes, parce qu'il y a. J'ai eu la flemme de chercher Official Audio dans YouTube, et du coup, au début, ça. Il parle. Mais ouais, mais j'avais un peu la flemme et je me suis dit que toi t'aurais peut-être coupé si t'avais mis un sampleur, mais il n'y a pas eu de sample devant. Voilà, on s'écoute Blondie et Kevin juste après. point. What did you do to my studio? Told you guys that shit was stupid. Later. C'est pas du Larsen. Voilà, c'était pas vraiment un Larsen et j'ai oublié de te dire qu'il fallait arrêter à 5 minutes 10 parce que après. Il discute pendant 17 minutes. Non, oui, the album was very nice. Oh yeah, Code Baru. Voilà, exactement. Non, mais voilà. Donc c'était Kevin à l'instant. Rien à voir avec le prénom. Et juste avant, c'était Blondie. Ouais, Kevin et Blondie, quoi. Voilà. Ouais. Mais ouais, vachement cool, Kevin. Enfin, moi, j'ai jamais trop cherché dans ce groupe-là, mais il y a toujours un ou deux morceaux sympas. Et là, ce nouveau disque a l'air d'être bien. Avec les backing vocals en plus du bassiste de Converge, que j'aime beaucoup, ça rajoute un petit truc, moi, qui me fait plaisir. Voilà. Ouais, on a beaucoup discuté pendant le morceau, mais ce que j'ai entendu de loin, ça, ouais, je réécouterai. Ah, de loin, c'est un super groupe. Ouais. Est-ce que ça serait pas le moment, éventuellement, pendant que l'IA échauffe sa voix et prépare son micro, de faire l'agenda concert? Agenda. On va pas le faire avec Mounet au téléphone, ça serait peut-être un peu exagéré, mais j'espère que de chez lui, dans son canapé, avec son enfant, il le fait. Si tu nous écoutes. On va donc se faire l'agenda concert. Agenda concert. Ah, c'est super. T'es prêt? Bon, quasiment. J'ai des annonces comme ça, mais... Donc, on commence avec le 2 avril au Tio, dans les Vosges, avec Okeko qui fait son grand retour. On en a passé un morceau tout à l'heure. Il y a Le Réparateur, il y a Toys Breaker aussi, groupe de Saint-Dié, et Comptoir KO, qui a sorti un nouveau disque il n'y a pas longtemps, donc ça va être un peu la release party, hein, pour imiter notre cher camarade Mathieu. Et donc voilà, tout ça se passe au Tio dans les Vosges. Le 2 avril, c'est ce samedi. Hein, si vous écoutez en ce moment même, c'est ce samedi, quoi. Et le même soir à Nancy, si vous n'avez pas trop envie de punk rock, vous pouvez aller voir une soirée goth, post, tout ce que vous voulez. Sachant qu'il y a quand même Dear, qui est un groupe de post-punk, c'est plutôt sympa, on a déjà passé ici. Il y a Jackie Beach, du Cult French Rock Death Rock Movement. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air bien. Et Acetate, c'est du post-punk aussi. Ça se passe à la MJC. Ah, Acetate, j'aurais été A-State, tu vois. Ah, ouais. Non, c'est probablement Acetate. Ouais, tu l'as bien dit, je pense. Ouais. Ça doit venir de Longwy ou un truc comme ça, tu vois. Donc je pense que ça se dit Acetate. Ça se passe à la MJC des Trois Maisons. Il y a aussi des expos, tout ça. Si vous voulez vous habiller en noir et puis avoir l'air triste, je pense que c'est le bon week-end pour y aller. Donc MJC des Trois Maisons, ce samedi 2 avril. Et vu que la joie de vivre reprend un peu, il y a d'autres choses à dire pour l'agenda concert, ça c'est vachement sympa. Ouais, notamment le 14 avril. Ah, moi j'avais le 9 d'abord. Ah, vas-y, balance le 9. Avec l'Opium du Peuple qui joue à la Souris Verte à Épinal, avec Poésie Zéro, soirée punk rock complètement débile, si ça vous dit. Ça peut être sympa. Du coup, le 14 avril, il se passe quelque chose, Arnaud. Il y a Massive Charge qui joue chez Paulette, avec Gumo du Grindcore de Lille et Death War du Death Metal de Nancy. Voilà. Chouette soirée. Le 16 avril, à la Souris Verte, donc il y a enfin le concert de Moscow Death Brigade, qui avait été reporté faute de Covid, évidemment, avec Infréquençable. Ça se passe à Épinal, à la Souris Verte. Ça va être une bonne soirée. Le 30 avril, jour béni des dieux. Ah oui, il y a Jack. Jack 2022. Et les pêcheurs barbus. À la MCL, à Gérard Armé. Oui. Et je sais même pas si c'est une première partie. Ici, il y a You Freud Meet Jane en première partie. Voilà, c'est mieux que moi. Voilà, ça va être une très très bonne soirée. On vous y invite à y venir parce que ça va être ultra cool. Moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de concert, plus grosse claque de toute ma vie, je pense. Jack and the Bearded Fisherman en concert. Le jour où j'ai découvert ça, c'était incroyable. Voilà, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ensuite, le 7 mai, c'est un concert d'adieu à la scène française. À Laval-sur-Vologne, à la fête, c'est Deviance qui organise ça. Soirée avec Comptoir KO, Krav Boka, que tu aimes beaucoup, Arnaud, oui, d'ailleurs. Oui, on va passer un morceau après. Ça tombe bien. Tiens, on va mettre Krav Boka tout de suite après. Non, on voilà. Croirait que c'est fait exprès. Oui. Mais du coup, Doom Sisters, nous, voilà, vu qu'on arrête le groupe cette année, ça sera à Vunet, la dernière date française. Voilà. Donc, et de toute façon, la dernière date dans le coin. Donc, voilà. Le 7 mai, si vous voulez écouter nos morceaux ou ça chie par la bouche, une dernière fois, ça sera le moment. Voilà. Ça se passe le 7 mai à Laval-sur-Vologne, à la fête. Du coup, on va s'écouter Krav Boka, oui, parce que c'est très malin d'avoir mis ça maintenant. Bousculons le petit programme. On va écouter Krav Boka, donc, qui viennent de sortir un tout nouvel album. C'est lui où tu as fait la pochette, d'ailleurs? Non, pas du tout. Celui-là, c'est déjà un autre album. Parce que Krav Boka, ils sont jeunes, quoi. Ultra productifs. Bon, en même temps, quand t'es 18 dans le groupe, il y a un moment, tu peux écrire des morceaux, quoi. Oui, et là, tu sens bien quand même que depuis plusieurs albums, l'actualité les rend bien, bien vénère. Mais sur celui-là, c'est le top du vénère, je dirais. Et bon, j'ai écouté l'album une seule fois, donc j'ai passé un petit morceau en speed. Et c'est pas le morceau, c'est peut-être l'un des plus calmes de l'album, mais je le trouve déjà très chouette. C'est le morceau Eclipse de Krav Boka, donc issu du dernier album, dont c'est Pirate Party, c'est ça le titre, voilà, qui est sorti il y a quelques jours, voilà. Voilà. C'était Krav Boka avec un extrait de leur dernier album, donc groupe hip-hop punk de Toulouse avec une partie chant grec, un peu d'arabe aussi il me semble, et puis enfin voilà, gros fusion de plein d'éléments, et puis on les aime toujours très bien, carrément. qui avait joué à l'ANF. C'était un chouette, chouette concert. Ouais, grave. Et puis sur scène, c'est vraiment là que le groupe y prend toute sa dimension. Donc on a hâte de les revoir. Oui, ça va être super. À la fête, le 7 mai, à Laval-sur-Vologne. C'est juste après le mémorial du petit Grégory. Vous le prenez à droite, et c'est là. Oh, ça va, j'ai dit que c'était un mémorial. Donc, on va s'écouter Closer, qui est un groupe américain, un poil émo quand même sur les bords, hein, tout ça. Émo t'as le droit, quoi. T'as le droit. Oui, non, mais je le screamo de temps en temps, ça va. T'es pas obligé d'avoir une mèche pour écouter. Globalement, ça serait dommage, compliqué, surtout d'en avoir une. Mais bon, sinon, je pourrais peut-être en emprunter à quelqu'un, pas savoir. Et juste après Closer, on va s'écouter Clowns, qui je voulais en mettre la dernière fois avec les Dropkick Murphys, mais finalement, on l'a pas fait. Pas le temps. Du coup, on va s'écouter ça parce que ça passe à Célesta pour leur festival cet été. Et je suis ultra content parce que Clowns, ça fait des années et des années que je suis à fond dedans, que je veux les voir en concert. J'ai jamais eu l'occasion. Et là, ils passent tout près de chez nous dans un festival que j'aime bien. Du coup, c'est la teuf. Du coup, on s'écoutera le morceau Pray for Us. Ou Pray for Us. Ultra cool. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Du punk hardcore australien. Vraiment ultra, ultra bien. On s'écoute ça juste après Closer. Fire! Et à l'instant, c'était Clowns, le groupe australien ultra cool. J'ai tellement hâte à fond de les voir à Célesta. Je suis trop content. Eh ben, c'est bien. Il y a plein de groupes, tous les groupes que je veux voir depuis 2-3 ans, forcément je n'ai pas vu parce qu'il ne se passait rien, pas de tournée et tout. Et ils là, arrivent tous là. Ben, il y a Elder qui passe, il y a The Hermit qui passe, il y a The Clown qui passe, Brutus va sûrement passer. Enfin, en gros, voilà, tous ceux que je veux voir, ça va être la teuf, quoi. Je suis trop content. Du coup, on va s'écouter notre pignouf préféré. Oh, l'homme qui s'organise. Le retour. C'est Mounet. 1-2-1-2, je répète, 1-2-1-2. Nous te recevons, nous te recevons. Nous recevons, c'est bon, Bellefontaine, Saint-Etienne, on est dans la place. Salut Mounet. Ok, salut les filous, comment c'est? Ah bah écoute, dans une forme olympique, hein, tu vas bien. Dans une forme olympique. Il y a plus à manger pour nous. Ne vous inquiétez pas. C'est bien, du coup tu t'es bien organisé, c'est cool. Bah écoute, hein, ça permet quand même d'être un petit peu avec vous ce soir. Ah. Donc j'ai passé deux trois morceaux, hein, histoire de ranimer un petit peu la flamme de l'émission, parce que c'est clairement jojo ce que j'ai entendu ce soir. Clairement, je suis déçu. Donc je suis content d'avoir pris RTT, parce que là, je crois que je vais me poser des questions, je vais me dire, c'est... Tu l'as préparé ton intervention ou... Ouais, il répète depuis 4 heures. C'est l'intervention de qualité, comme d'habitude. Il y a eu de la culture, il y a eu de l'internationalisme, c'est parfait, comme on aime. Ah, des groupes polonais, espagnols. Voilà, parfait. Donc du coup, je peux passer du petit titre, alors je peux présenter tout ça. Ah, ouais, vas-y. Très bien. Alors on va commencer par Convince. Je sais pas si on en a déjà passé. C'est un groupe de grindcore de Moscou. Du coup, on passait des groupes ukrainiens qu'on soutient bien entendu, mais les moscovites en tout cas qui crèvent aussi et qui ont bien la honte, je pense, de participer à tout ça. Faut aussi y penser, hein, parce qu'ils sont pas tous, c'est pas tous des sales cons. Donc on va se passer Convince. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, hein. C'est une langue que je ne connais pas, donc je vais m'abstenir, hein. Veuillez m'en excuser. Mais l'album, il s'appelle Russian Jawbreaker, en hommage aux excellents Anticimex, donc à partir de là, forcément je valide. Et juste après, on va se mettre Bastardur, qui est un groupe que j'ai découvert dans une chronique de Noise Magazine, parce que je suis à la mode... Sans vouloir te vexer, tu l'as découvert quand moi j'en ai passé il y a 2 mois, mais Bastardur, voilà. Oui. Ah, t'en as déjà passé? Oui, et je t'ai regardé dans les yeux en disant, c'est pour toi, mon petit Mathieu d'amour. Ah bah écoute, donc on va changer, alors si on en a déjà passé, c'est pas grave. Lia, en direct, s'il te plaît, si tu peux mettre Lock Up à la place. Lock Up. Est-ce que ça va? Elle a l'air de s'en sortir. Ok, bah c'est parfait. Donc Lock Up, qui vient de sortir un nouvel album qui s'appelle The Dregs of AIDS, avec le titre Dark Force of Conviction. Donc Lock Up, c'est un peu... All-Star Grindcore. Voilà, avec une charte de Brutal Truth, le chanteur Thomas Lindbergh d'At The Gate, le pignoup de Napalm Death et compagnie, donc autant dire que ça bourre bien. Shenanbury, voilà. Shenanbury, pignoup, aka Shenanbury. Donc voilà, c'est du grindcore, plutôt pas mal, double chant masculine qui bourre bien. Donc on s'écoute ça, Convince, Lock Up, puis je vais peut-être rester dans les ondes. On se redit. Ah bah écoute, de toute façon t'as que ça à faire. Intervention de qualité. On se redit, on rappelle. J'ai mangé, je suis calé, je suis bien. Allez, à tout de suite. We'll be right back. Ah yeah. On dit merci Mathieu hein, pour ce doux moment. Oui. C'est Lock Up, c'est très chouette. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, donc ça fait du bien de. Ah, il est toujours là, Mathieu. T'es encore là? Allô, allô. Oui, je suis là. Mais j'écoute en même temps, donc c'est un peu compliqué des fois de savoir qui fait quoi. Mais oui, je suis encore là. Ça vous a fait plaisir? Ouais, à fond. Ah bah l'IA s'est roulée par terre de bonheur. Ah bah oui, c'est ce qu'on fait. On se fait pipi dessus en général, puis on se. Merci on beaucoup. De bonheur. Non mais c'est bien, j'apprécie que tu me remettes un peu Lock Up dans les oreilles, ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté, donc ça fait du bien. Moi tu sais, j'aime bien remettre l'église au milieu du village, comme on dirait. Bah oui, je vois ça. Hein. J'ai le temps de passer encore un morceau, puis après je me casse. Allez, vas-y. Ça. Niveau timing, vous êtes ok vous? Ouais, on est bien. Bah oui, bah tu sais, tu nous manques de ce côté-là. Hein. Vous êtes large, ok, bon bah impeccable. bah écoute, du coup je vais en mettre deux alors, hein, si vous m'en voulez pas. Hein? Vas-y. Alors on va commencer par Black Panda, le Black Panda, célèbre groupe de rock'n'roll de la Corona en Espagne, qui viennent de sortir un nouvel album au mois de mars, là donc c'est tout frais, qui s'appelle Viaje a la Luna, voilà, merci, et Manco del Espanto, c'est le petit titre de cet album, donc Black Panda. Hein, c'est ça nous manquait de t'entendre parler espagnol. Ouais, ça fait toujours plaisir, effectivement. Et juste après, on va se remettre un groupe russe, Moscow Death Brigade, qui passe à la souris verte, comme vous l'avez déjà précisé, ouais. Le 16 avril. Parce que je suis pas sûr qu'on en ait déjà beaucoup passé de ce petit groupe. Ouais, je crois pas du tout, mais... Parce que ça déglingue quand même bien, on aurait pu les passer avec Ravoka, parce que musicalement, on a des fois des similitudes. Mmh. Ouais, carrément. Donc le titre, c'est It's Up. C'est un EP sorti en 2014, c'est pas forcément le plus récent, mais je trouve que il tape bien, quoi. C'est un petit peu hardcore punk, alors que les trucs plus récents sont plus électro. Donc voilà, moi ça me plaisait bien. Donc on s'écoute Black Panda et Moscow Death Brigade, et puis je vous dis au revoir tout de suite. Bisous bisous et bonne fin d'émission à vous. Ça marche. Et merci Mathieu, merci d'être passé. Allez, au plaisir. We'll be right back. Yeah. Et à l'instant, c'était Moscow Death Brigade. Fier représentant du hardcore côte est de la Volga. Voilà, exactement. Hein, pas mal. Hein, et juste avant, c'était. C'était Black Panda. Exactement, Black Panda. Le retour de Black Panda avec ce concert légendaire au Subbox où ils ont fait 10 entrées. Et où, une semaine après, tout le monde se mordait les couilles de pas avoir été à ce concert, parce que tout le monde a découvert, et tout le monde s'est dit, waouh, mais c'est trop mortel! Et puis le groupe a spité, du coup, 10 ans après, voire 15 ans, ils font un album. Peut-être qu'on les verra un jour en concert. Ouais. Chouette histoire, hein. Ouais. Les anecdotes de Tonton Mitch. Oui, du coup, c'est à moi de mettre des morceaux. On va se non, mettre. C'est à toi. Et ben, c'est à Arnaud de mettre des morceaux. C'est bien. Moi, je continue à regarder. Eh oui, eh oui. Donc, retour en Ukraine et retour avec un petit passage black metal. Voilà, on va écouter Life is Hell. Comment on appelle ça? Un side project d'un type qui fait du black metal en Ukraine, voilà. Et type qui joue également dans SVRM, voilà. Donc on va écouter les deux groupes de ce mec-là. C'est deux one man band, il me semble. Donc Life is Hell, c'est vraiment le side project très raw black metal avec un son dégueulasse et un peu black metal des origines. Et SVRM, c'est plus un peu comme Lump of Murmure, un peu black metal atmosphérique avec des passages un peu atmosphérique, quoi. Voilà. Voilà, donc atmosphérique avec un truc qui fait de l'atmosphère, ouais, quoi. Un petit peu, voilà, tu vois. Post-gaze, tout ça. Donc, Life is Hell, le morceau, c'est Zoz Yami, ce qui veut dire l'appel de la tombe ou l'appel de la fosse, car j'ai bien travaillé avant cette émission. Et SRVM, on va écouter le morceau You Peckly, qui veut dire en enfer. Voilà. Life is Hell tout de suite et SVRM ou Zvom après. Voilà, à l'instant, c'était du black metal. Du black metal ukrainien avec SVRM ou Zvrum. Ouais, je sais pas comment on prononce. Et avant, c'était Life is Hell, donc deux projets du même gars qui fait ces petits trucs de black metal. Et que moi, je trouve ça plutôt cool. Et en ce moment, avec le temps actuel, tu vois, t'écoutes ça dans ta bagnole pour aller au boulot, t'es bien. Voilà. Moi, j'ai demandé à ce qu'ils mettent ça à la place du jingle du train, mais ils ont pas voulu. Ah, merde. Ah, dans un petit questionnaire de la SNCF pour améliorer le service, tu vois. T'as le droit de changer le jingle. Non, enfin, j'ai dit qu'ils mettent l'international à la place du jingle, mais pour l'instant, j'ai pas eu de retour. Peut-être que ça viendra. Donc, on va s'écouter The Flatliners. Ah, les fameux. Et vous allez voir que c'est pas trop, trop horrorcore. Pour ceux qui suivent, tiens, oui. Là, c'est Remember l'émission précédente. Voilà. Si vous n'avez pas compris la blague, réécoutez l'émission. Réécoutez toutes les émissions depuis le début. Mais surtout la précédente. Ça vous prendra 112 x 2, 140 heures, un truc comme ça. Oh, pas mal. On doit être par là. Enfin bref, posez un RTT ou mettez-vous en arrêt Covid et puis vous êtes bien. Donc du coup, c'est un groupe de Toronto au Canada qui est plutôt ska punk et tout ça. Donc vous verrez que... Oui, bah, je me doutais bien que... Pas trop horror ni ouais. Core non plus. Hein. Et juste après ça, on va s'écouter... Chain Cult, qui est un groupe de Athènes, plutôt post... tout ça, tout ça. Voilà. Non, on s'écoute pas ça. Tu peux répéter, s'il te plaît. Tu m'écoutais pas, Lia, c'est ça que tu veux dire, en fait. Allez, tout se perd. Hein. On va s'écouter The Flatliners. Voilà, et puis après, je te dirai, on verra, tu seras dans le stress. D'accord, merci. Yes, I'm a game. Never said I'm not impossible. The cause of the way to heaven for a freak like me. Like the brick, running with the rhythm and the freedom. All your feelings and the fist emotion raises when you're only 16. Ready for the weekend. Et à l'instant, c'était Chen Cult, avec un C comme Chen Cult. Et juste avant, c'était The Flatliners, qui, voilà, pas grand-chose à voir avec le horrorcore. Non, non, non, et oui. C'était moins bien que Chain Cult, déjà. Et que... mais bon. Mais ça aurait pu être pire. C'est vrai, c'est exactement vrai. quittons un peu, un bref instant, les groupes ukrainiens pour un peu d'actu grindcore du moment, avec les Franc-Comtois de Proudhon. Qu'on aime beaucoup. Oui, qui vont sortir un disque là. Qui ont sorti leur premier disque après avoir sorti un EP et bon, une démo, ouais, ou un truc avant. Et donc, groupe qui est passé de très prometteur à vraiment excellent parce que ce disque, il défonce tout. Voilà. Donc, ce disque, c'est Social Typanum. C'est déjà disponible sur Bandcamp et puis ça va être pressé très bientôt, je pense, ou si ce n'est peut-être déjà le cas. Donc, on va écouter Malfaiteur Rustique. Et donc voilà, donc Social Typanum, ça a été enregistré chez Steph au Dizzler Studio et c'est vraiment bien, c'est vraiment vraiment très très bien. Donc Grindess, très efficace, voilà. Et on va écouter juste après Apes, autre groupe de grindcore qui nous vient du Québec avec le titre No Will to Live. Et qui est une découverte pour moi. Voilà, je découvre à l'instant ce groupe. Donc on l'écoute ça juste après mes chouchous de Proudhon. Et voilà, vous êtes toujours sur Memento Mori, bien que vous n'ayez aucun doute. vu la musique qu'on vient de passer, c'était Apes, groupe grindcore du Québec qui existe déjà depuis 2012 et que je découvre seulement maintenant, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et donc on vient d'écouter No Will to Live, issu de leur dernier EP, Lullabies for Eternal Sleep, qui est sorti en ce début d'année. Voilà. Et avant c'était Proudhon, la relève du grindcore franc-comtois, qui assure vraiment avec leur nouvel album. Alors moi j'aimerais bien que Lia nous dise un peu comment elle a vécu ce moment. Ah mais tu t'insistes trop sur la souffrance, Mitch. J'ai pas assez d'adjectifs pour ça. Ah tu vois. Voilà. Donc du coup on va s'écouter un truc un poil plus détente. On va s'écouter Dagnasty, qui est un vieux groupe avec des gens de Minor Threat dedans, entre autres. Pas si détente que ça alors. Non, bah, moyen... Bah, comparé à ça, oui, globalement, pas mal de détente. Mais quand même, un vieux groupe. Hein, voilà. Ouais, y a un label du côté de Nantes, à Rézé, qui s'appelle Can I Say Records, qui a produit notamment des disques de Santa Cruz, un groupe de hardcore de là-bas. Voilà. Et je me dis, ouais, Can I Say, je sais pas trop pourquoi. En fait, je découvre, 45 ans après, en fait, que c'est à cause de ce groupe-là que ça s'appelle Can I Say, parce que c'est le nom de l'album. Circles, c'est le nom d'un de ces groupes du mec du label, et du coup, c'est un nom d'un morceau de Dagnasty. Enfin, globalement, quand tu relis un peu les points, comme ça, tu dis il aime ce groupe. Donc voilà, on va s'écouter Dagnasty, et juste après, on va s'écouter Bummer, qui... Alors, très franchement, j'aurais pas trop comment décrire ça, mais surtout, il y a des noms qui... Ça n'a aucun sens. Le morceau qu'on va s'écouter, c'est Quadruple ZZ Top. Ouais. Ce jeu. Et j'ai regardé les paroles, je me suis dit, bon, peut-être ça. Et je ne vois pas pourquoi, quel rapport, je ne comprends pas. Du coup, voilà. On va s'écouter ça, on va essayer d'analyser, peut-être qu'on trouvera une solution après. Listening! Et à l'instant, c'était Bummer, et juste avant, c'était Dag Nasty. Dag Nasty, 86, le morceau, quand même. Hein. Ah oui. Il a un an de plus que moi, ça me rajeunit oui, pas. Eh oui. Ouais, du coup, bon, c'est quand même l'heure hein, de se quitter. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lia d'être toujours là pour nous, de nous supporter malgré toute cette musique peu supportable. Merci à mon camarade Arnaud d'être toujours là à mes côtés. Ah, fidèle au poste. Oui, j'adore ça. Et merci à Mathieu de nous avoir quand même tenu compagnie depuis son canapé. Voilà, alors que les chaises sont quand même pas si mal ici. On se retrouve dans 4 semaines, on vous fait des bisous. D'ici là, bon courage. Passez une bonne soirée. Ah oui, c'était quoi vous ? Black metal. Oh bah déjà, c'est tout un programme.